Et voilà, 1h45, je fais rectification, c'est... Tiens, bientôt, je vais faire un gros caca avec Derriette et on va demander à Rigaud, il avait un petit message sur IRC sur les questions qu'on a posées au départ. Voilà, non, c'était juste pour saluer les gens présents sur l'IRC. Alors, je salue Win, Clifford, Yankee, Feiji, TSM, Jox, Coyote Bip, VLR et les autres. Et l'IRC dans le studio a planté, mais on va le relancer tout de suite. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Rigaud, je te remercie. Donc, on va... Rien, ma poule. Manu. Ah, oui. Manu. Oui. Je te signale qu'il y en a un des deux, là, qui va planter. Ah bon? Pourquoi? Parce que... c'est quoi, planter? Là, je pense que tu m'as fait une connerie. Ah bon? Si tu m'as fait pas pris le standard pour rien foutre pendant le disque, j'aurais pu sélectionner des gens. Non, c'est pas grave, on va voir. Vas-y, Gérard. Je vais voir. Donc, on accueille Moustique. Merci pour les fréquences. Je n'ai pas eu le temps, Gérard. Moustique. Bonsoir, Gérard. T'appelles d'où? J'appelle de Poitiers. Poitiers, ta fréquence? 89.6. 89.6, ok. Boudin Noir. Et bonsoir, Gérard. Bonsoir, tout le monde. Ouais, bonsoir, Tony. Bonsoir. Ouais, merci, Tony. J'ai changé. Ta fréquence. Si c'est oui, il a changé. Moi, j'écoute pas sur la radio, j'écoute sur la TV et je t'emmerde. Alors, tu m'emmerdes, ok. Alors, dégage, Boudin Blanc. Allez, hop. Voilà. Ça commence bien, hein. Manu, tu pourras gérer un peu mieux. Alors, Max, s'il te plaît. Non, on va gérer Manu tout seul, Gérard, t'inquiète. Manu, tu fais gaffe. Hop, Boudin Blanc, terminé. Hop, tu le vires. Bon, ça commence. Déjà, il commence. Alors, si Boudin Blanc... Mais peut-être que Tony, il a changé, il est peut-être... Il m'a dit, je t'emmerde sur la CB. Ah, c'est pas grave. Non, c'est pas lui qui a dit ça. Non, c'est pas lui, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, si Tony veut bien revenir, mais il se calme. Ça peut être sympa. On pourrait très bien se faire un feu de fumée avec des merguez, on pourrait lier amitié. Boudin Blanc, terminé. Moi, j'écoute le chef, il a dit, ça peut être sympa, je le laisse. Non, je dis, moi, c'est pas lui qui... Ah si, c'est Max, comment? Je m'excuse. Non, Tony, terminé. Est-ce qu'on fait... Attends, Gérard. Non. S'il vous plaît, taisez-vous. S'il vous plaît, Tony. Ouais. Ce qu'on fait, Gérard, on lui laisse une chance. Non, il n'y a pas de chance avec moi. S'il te plaît. Non. Toi, Moustique, tu vas te taire. C'est Moustique qui te le demande, Gérard. Non, mais moi, je pardonne pas, c'est tout. Non, terminé, point final à l'ennemi. Boudin Noir, terminé. Boudin Blanc. Il n'y a pas d'aller, GG. Bon, allez, on y va, on enchaîne. Hop, Boudin Blanc, terminé. Gamel. Salut, Gérard. Salut, t'appelles d'où? De Verdun. Ta fréquence? C'est 110.5. Combien? 110.5. 110.5, ok. Boudin Noir. Ouais, salut, GG, j'appelle de Toulouse et la fréquence c'est 117.3. 117.3, ok. Et point d'interrogation? Salut. T'appelles d'où? J'appelle de nulle part, toujours. Ah oui, donc, c'est 101.9. Ok, je te remercie. Donc, première question, donc, c'est sur le décalage horaire. On est bien d'accord? Alors, que pensez-vous du décalage horaire? On va demander à Boudin Noir. Ben, le décalage horaire, en fait, GG, hein, on n'y peut pas. Hein, c'est des lois immuables de la nécessité naturelle et on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Mm-hmm. Ouais. Mais tu penses que ça, à ton avis... C'est une bonne chose, quand même, dans l'absolu. Ouais, mais à ton avis, tu crois que ça va durer encore longtemps, cette histoire? Je pense qu'il y a peu de chances que ça change, hein, parce que vu comment font les gens, je vois pas pourquoi le décalage horaire, il changerait comme ça. Hein, c'est dans les mentalités, tout ça. D'accord. Ouais. Gamel? Décalage horaire, c'est décalage de toutes les heures, c'est ça? Non, décalage horaire. Ah, pardon. Attends, Gérard, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le décalage horaire, déjà? Décalage horaire, déjà pour commencer, j'aurais pu attendre que tout le monde réponde. Mais non, mais s'ils comprennent pas déjà ce que ça veut dire... Mais attends, Fildar, s'il te plaît. Oui. J'aurais pu attendre que tout le monde réponde et j'aurais pu dire ce que c'était. Bah oui, mais si c'est là, ce que c'est... Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Si toi, on te pose une question et que tu sais pas ce dont on parle, tu peux pas répondre. Donc, il faut que t'expliques avant. Vas-y, explique. Donc, décalage horaire, c'est-à-dire vous avancez ou vous reculez votre monde d'une heure. D'accord? Voilà. On est bien d'accord, Gamel et Boudin Noir, si je t'ai mal expliqué? Je pense que Boudin Noir, t'as bien compris la question, toi. Oui, tout à fait. En avant, en arrière, sur la droite et sur la gauche aussi. Non, mais d'accord. Toi, sur la droite et sur la gauche, toi, tu prends les clignotants. Voilà, par exemple. Non, mais ça n'a rien à voir. Si. Non, ok. Gamel? Moi, je comprends pas parce que j'ai une montre à quartz et puis les aiguilles, elles n'avancent pas ou elles ne reculent pas. Non, mais attends. Moi aussi, j'ai une montre à quartz. Là, je sors ma montre, il est 1h51. Si tu veux, à l'heure actuelle, si on change d'heure, ça fera 0h51. Parce qu'on recule nos montres d'une heure. C'est en Allemagne, par exemple. Non. Ah, si. Non, attends, 5 minutes, s'il te plaît, merci. Bon. Oui, donc, comme tu voulais pas de Tony, on accueille Bonne Nuit à la place. Salut, Bonne Nuit. Allô, salut, Gégé, tu viens? Allô, Gégé? Ouais, t'appelles d'où? Ouais, j'appelle de Montluçon, fréquence 112.18. Ouais, 112.1. C'est une nouvelle fréquence, hein. Ouais, 112.1. Elle vient de s'installer, d'ailleurs. Ouais, tu peux saluer tous les auditeurs qui te rejoignent sur scène. Non, non. 112.18, ça n'existe pas chez moi sur Montluçon. Montluçon, tout le monde descend, terminé. Hop, point final à la ligne. Alors, pour l'instant, Manu, t'es en train de me dire des... Non, la suite, Gérard. Donc, Gamel. Ben, ça y est, j'ai reculé ma montre jusqu'à la cuisine, j'ai fait un décalage horaire. Hein. Non, je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport avec le décalage horaire. Point d'interrogation. Bah effectivement, ça peut perturber un peu la vie quotidienne. Déjà, quand tu pars au travail le matin, tu peux être perturbé. Non mais attends, point d'interrogation pour l'instant. Celui qui s'amuse à péter derrière, arrête. C'est dégueulasse. C'est rigolo. Désolé, pardon. C'est vrai que tu peux être perturbé en prenant ta voiture, tu peux arriver en retard à ton travail. Bon, ok, c'est bon. Moustique. Gérard, j'aimerais bien sous la table, hein. Bon, allez hop. Oui, Gérard. Non, mais là, ça commence à bien faire. Calme-toi. Et toi, tu vas la prendre. Hey, tu dégages. Tu dégages, on se t'en plus. Allez hop. Oh là là. Tu dégages. Tu dégages. Non, il commence pas. Ouais, c'est pas grave, je vais. Non, mais il commence pas. D'accord. Non, Manu non plus. Max. Je te réponds. Non. Je suis en train de brancher les filles, là, je peux pas. Non, mais attends, parce que là, ils vont pas, ça va pas commencer comme ça, hein. Ben, quand ça va pas, tu fais tourner, regarde, là, t'as fait tourner l'équipe, regarde. Ouais, mais après, Rigo, tu vas. Je pense qu'avec toi, ça mais va c'est pas, Rigo. Je sais pas le faire. Je sais pas, j'ai pas le droit. Mon moustique. Gérard, ferme ta gueule, c'est moi qui commande ici. Ferme ta gueule, ok? Bon, alors, hop, je te préviens. Max. Non, mais je l'ai viré. Non, Max. À la Rital. Bon, je peux répondre, Gérard. Minute, moustique. Max, s'il te plaît, merci. Max. Non, il n'y a pas de merde. Tu viens, tu me l'échoppes au standard. Tu les prends. Le premier qui me dit merde, ou ta gueule, il dégage. Alors celui-là qui vient de dire 110, il dégage. Hop, terminé pour lui. Non, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire que quand on dit merde ou enculé, c'est faut zapper. Donc quand on dit 110, c'est un... Donc ça veut dire que 110, c'est un gros mot. Pourquoi tu dis que je n'aime pas enculer par 110? Non, à peine. Bon, alors. À peine, tu l'as pensé. Bon, c'est bon. Alors maintenant, on reprend le débat normalement, s'il vous plaît, comme le premier, c'était très bien. Alors maintenant, Manu va gérer tout. Je gère. T'inquiète pas, Gérard. Je te préviens. Oui. Première fausse note, tu dégages, je mets quelqu'un d'autre. Il n'y aura pas de fausse note. Donc, alors, moustique pour la première question. Oui. Je sais plus, là. C'était le décalage horaire, ce qu'on entend. Oui. C'est chiant, quoi. Quand tu vas aux États-Unis, t'as 6 heures. Donc, il faut te reculer 6 heures, en fait. Donc, faut tout réorganiser ta vie, parce que c'est carrément une demi-journée, quoi. Ouais, mais c'est je pense... C'est chiant, en fait, prégnant comme chose. Ouais, non, mais je pense que le décalage horaire... Je pense que le décalage horaire, c'est que à chaque fois, tous les 5 mois, je pense, à mon avis. Le visa, il dure 6 mois, donc. Non, mais il faut qu'on change au mois de mars, et après, il faut changer au mois d'octobre. Ouais, mais ça dépend quand il est contourné, donc. Ouais, mais parce que là, je parle du décalage horaire, normalement, on aurait dû le faire cette semaine, là, ce week-end. Ah oui, c'est là. Ben, pour l'instant, personne n'en a parlé, donc j'en parle maintenant. Normalement, on aurait dû le faire maintenant. C'est le week-end prochain. Mais on ne sait pas, parce que d'après ce que j'ai vu, moi, sur des programmes, ils n'en parlent pas. Donc, je ne sais pas si cette année, on va faire le changement d'horaire. Moi, je crois que c'est le week-end prochain, mais je ne suis pas sûr. Non, mais attendez. Tu me dis ? Je crois que c'est le week-end prochain qu'on change d'heure, ben, mais je ne suis pas sûr. Non, moi, j'ai reçu le... Je te confirme, pour l'instant, on n'a pas confirmation du décalage. Ok, autant pour moi. Et avant, il paraît que c'était le premier jour de l'automne qu'on changeait, c'est vrai ou pas ? Ouais, ben, oui, mais là, normalement, on aurait dû changer. Attends, toi, avec ta grève, si tu fais partie de la RATP, tu dégages. Mais non, c'est la SNCF. C'est ouais, ben, dans ce cas-là, tu te tais, c'est tout, je réponds à la question. Voilà, merci. Gérard, donc justement, à la place de Bonne Nuit, on accueille Puceau. Salut Puceau. Puceau, Bonne Nuit. Non, bonjour. Bonsoir. Puceau. Toi-même, ouais. Attends, tu restes poli, s'il te plaît. Bah ouais, moi, Gérard, je pense que le décalage horaire, c'est de la faute à Jospin, de toute façon. D'accord. Alors là, je vois pas le décalage horaire, qu'est-ce qu'il a à faire dans la politique. Ah, il peut expliquer. Non, mais, ouais. Non, non, mais moi, je réponds à la question à Phil Dark, parce que tu m'avais dit, normalement... Généralement, c'est le premier jour de l'été. Non, de l'automne. De l'automne. Donc normalement, si t'es d'accord avec Manu, normalement, on aurait dû changer d'heure ce week-end. Bah, le 20 septembre. Donc, c'est-à-dire le week-end dernier. Voilà. Alors, bon, donc, pour l'instant, on ne sait pas, et je réponds à la question à Manu. Donc, pour le week-end prochain, pour l'instant, j'en ai pas, pour ce week-end, j'en ai pas entendu parler. Et pourquoi, Gérard, on n'a pas changé? Ben, pourquoi? Parce que pour l'instant, personne n'en parle, et donc, on ne sait pas. Je crois que c'est à cause de, tu sais, l'Europe. Ouais. Tout non, ça, pour se non. mettre à la même heure avec tout le monde. Ah, non, okay. Non, mais apparemment, tout le monde a dit, on fait des décalages horaires tout le temps, et... Okay. Tout le temps? Ben, ils veulent faire... Non, parce qu'en fait, ce qui va se passer, je crois qu'on aura des montres en euros. Ouais, mais c'est ça. Non, mais ça, l'euro, là-dedans, ouais, je vois pas ce que... Là. Non, mais je m'en fous. Et qui? Donc, deuxième question, hein. Puceau, tu veux répondre sur la première? Bah, toi-même. Bon, alors, Puceau... Non, va voir Pildar. Va voir Pildar, il va t'expliquer. Il va t'expliquer comment que ça se passe, un débat. Alors, retourne voir Pildar. Donc, pour Boudin Noir, t'es toujours là? Ouais, je suis toujours là. Gamel? Ouais, je suis là. Point d'interrogation? Ouais, je suis là. Et Moustique? Oui. Donc, alors, deuxième question... Qui est le plus atteint par le décalage horaire? C'est les bovins. Alors qui? C'est le moustique. Oui. C'est les bovins, c'est les vaches, elles n'arrivent pas à faire leur lait normalement quand leur lait change. Mm-hmm. Oui, mais non. Hein. Ouais, mais d'accord, moustique. Mais je te demande qui est le plus atteint parce que il y a pas que les bovins qui sont mais les plus atteints, c'est les bovins. Après, c'est les vieux, quoi. Ah ouais, mais ça on va. Je pense qu'on va en revenir sur les questions parce que de manière si tu parles des bovins dans ces cas-là tu penses que les bêtes souffrent. Non, je dis pas ça. Ah si, si. Laisse-moi parler. Oui. Les vaches, elles n'arrivent pas à faire leur lait correctement parce qu'elles vont carrément changer d'heure. Oui, mais dans ces cas-là, moustique. Oui. Si je te dis les bêtes souffrent-elles du décalage d'heure? Bah moi je te réponds non. Bah pourquoi? Parce que je te dis que ça se passe dans leur tête, elles sont complètement déréglées, mais elles n'en souffrent pas. Eh ben oui, mais dans ces cas-là, on revient à qui est le plus atteint par le décalage horaire, tu me dis les... Les bovins. Les bovins. Après les vieux. Ben oui, mais dans ces cas-là, les bêtes souffrent. Bon, Gérard, on va pas faire une heure, je te dis non, elles souffrent pas. Ben si, moi je te dis que si. Bon, ben alors si tu dis que si, d'accord, elles souffrent, mais moi je te dis que non. Bon, point d'interrogation. Oui, je pense que tout le monde pourra souffrir, surtout les bébés, ils ne peuvent pas avoir leur biberon en temps et en heure. Je pense que même c'est pareil pour les personnes âgées ou même pour les personnes qui doivent... Non, mais attends, et au point d'interrogation. Oui. Tu réponds pas aux questions avant moi parce que sinon, je vais t'éclater ta tête. Bon, on a le droit de parler. Ah non, faut pas m'éclater la tête. Hein. Non, ben non, parce que là, t'es en train de me prendre... Gérard, éclate-tu la chatte plutôt. Voilà. Entends, toi, tu la fermes. Ça vaudra mieux pour ton matricule. Non, mais comme je te dis, je pense que tout le monde pourra souffrir de ça. Ok. Gamel? Bah moi, à mon avis, le plus atteint qui sera par le décalage horaire, c'est quand même Bill Clinton, parce que avec tous les problèmes qu'il a eu. Bon, allez, Boudin Noir. Non, c'est Gamel. T'as rien dit? Non, Gamel... Non, mais ça se trouve, il y a un rapport. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça pue rien. Manu, s'il te plaît. J'ai rien fait, Germain. Bon, Il n'y a pas de rapport? Non. Mais pourquoi? Hop. Gamel, tu me l'envoies, bonne nuit. Ouais, Boudin Noir. Boudin Noir, pour toi? Bah, déjà, pour le problème des vaches, moi, je sais qu'il y a des paysans du Luberon qui ont fait une expérience. Il suffit juste de mettre une horloge dans l'étable, hein. Ah bon, ça marche? Ça suffit, ouais. Et en ce qui concerne, vous parliez des vieux, effectivement, les vieux, c'est pareil. Le matin, ils ont l'habitude de pisser à heure fixe. Et avec le décalage horaire, en fait, quand dans les maisons de retraite, les infirmières viennent, ils se font pousser dessus parce qu'on les fait pas dégorger à temps, quoi. Ah ouais. Voilà. Ok. Donc, Puceau, t'es encore là? Oui, moi, je veux dire que les plus atteints, c'est les filles, quoi, parce qu'il y a des filles qui n'ont pas les règles en même temps. Donc, non, mais attends, Puceau. Bah oui. Puceau. Oui. Je vois pas le rapport avec le décalage horaire et les ragnagnas des nanas. Bah, les ragnagnas, c'est normal, Gérard. Les ragnagnas, elles les ont pas en même temps, donc il y a des... Mais attends, mais de toute manière, si elles ont leur ragnagnas, par exemple, aujourd'hui, d'ici un mois, d'ici une semaine, si le décalage change, elles auront toujours en même temps. Ouais, mais si elles partent, il y a un décalage horaire, donc elles n'auront pas le même jour. Bah ouais. Pas le même jour. Et alors, tu prends toujours des spaghettis avec? Bah écoute, Et moi j'ai du anchoise, les spaghettis c'est bien, mais les ragnagna c'est mieux. Eh ouais, mais il faut mieux avoir des spaghettis au ragnagna avec de l'ail. Arrête. Oh Gérard, t'es poétique, vraiment c'est super. Troisième question. Qui c'est qu'on... Ah justement, on accueille de nouveau, on accueille Cocker, qui appelle de Niort. Salut Cocker. Salut. Et Merguez de Toulouse. De Toulouse. Et salut Gérard, salut tout le monde. Salut. Salut. Salut Merguez. Salut. Salut Cocker. Ça chauffe. Oh. Salut Gérard. Donnez-moi les fréquences là. Moi c'est Toulouse, c'est 105.9. Non, 117.5. 105. Ouais. 9. Et Cocker de Niort. 93.4. 93, 4, ok. Puceau, t'es d'où, toi? Ouais, je suis de... Allô? Puceau? Oui, je suis de Paris. Non, il est d'Italie, lui. 101.9. 101.9. C'est pas d'Italie, Puceau? Oh, qui c'est qui fait du bruit, là, derrière, s'il vous plaît, merci. Puceau. Alors... Oui. Puceau, là. Toi-même. Puceau. Toi-même. Bon, tu peux répéter la question, Gérard? Donc, troisième question. Non mais là j'ai l'impression que depuis qu'il y a Manu et Pildar, c'est le vrai bordel. Ouais. Ben non, je sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Non, parce que là, ça devient le vrai bordel. On a des bruits et... Voilà, il y en a un qui ronfle. Ouais, il y a peut-être un qui s'endort, donc il faudrait que là, c'est pas moi. Non, mais je pense... Attendez. Non. Non, je pense que ça va pas aller longtemps, vous deux. Allez, Gérard, la question, vite. Quoi, vite, si je veux. Bon, ben, prends ton temps. Les fermiers supportent-ils ce changement d'heure? On va demander à Moustique. J'ai pas compris, là, t'as mal parlé. Les fermiers, oui. Supportent-ils ce changement d'heure? Bah, mieux que les vaches, en tout cas. Ah bah, donc, tu vois que je reviens à la première question. Oui, super. Bon, vous la fermez derrière quand je parle. Merci. Donc, tu vois, Moustique, je reviens avec la question numéro 2. Oui. Merci pour... Pourquoi? C'est un moustique. Ah, ouais, ouais. Bouche, ouais. Je sens que tout à l'heure ça va mal se terminer. Vous allez voir. Je pense qu'on va pas faire les 10 questions. Hein. C'est l'odeur. L'odeur, t'emmerde, toi, d'accord? Donc tu vas pas commencer tes conneries, ok? En demain entendeur, salut. Ok. Bravo. Ok. Et donc. Est-ce que tu peux te rapprocher? Ah, je l'ai. Donc, Moustique. Oui. Donc, on revient à la question numéro 2. Donc, qui est le plus atteint par le décalage horaire? Et les fermiers supportent-ils ce décalage horaire? Donc, apparemment, tu reviens sur la même question. Non, moi, j'avais dit que c'est les vaches. Mais les fermiers supportent beaucoup mieux que les vaches. Non, mais attends. Parce que, les fermiers, ouais. Eux, ils se lèvent un peu plus tard. Ouais. Avec le décalage horaire, ça va les changer. Parce que si par exemple... Ils font une traite à 6 heures. Ouais. Pour eux, ça prend 5 heures, ouais. Si tu veux. Ouais. Oui, mais les vaches, elles le savent pas que leur... Mais d'accord, mais attendez, s'il vous plaît, derrière. Parce que le fermier, il vient leur titiller les pieds et ils ont pas de lait, donc ça les perturbe. Ouais. Voilà. Mais non, parce qu'il y a le coq, vous oubliez le coq. Ah, attends, qui c'est qui parle du coq? C'est Boudin Noir, le coq. Ouais, bah, Boudin Noir, tu vas aller bouffer ton coq au standard. Mais non, mais attends, Gérard. Il a raison, le coq, il sait pas, lui, non plus. Écoute-moi, le coq... Le coq, il chante toujours à la même heure. Mais le fermier, il se lève quand le coq, il chante, et c'est marre. Bah voilà. Bah voilà. Bon. Et voilà. Eh, Gérard, est-ce que tu peux te rapprocher du micro? Je vais jouir, là. Bon, attends. Lui, tu me dégages. Qu'est-ce que tu voulais dire, Gérard? Non, mais là, ça commence à bien faire. Tout à l'heure, au premier débat, ça s'est bien passé. Maintenant, le deuxième, vous n'allez pas me le casser. Non, mais non, d'accord, mais... Gérard. Vous allez pas le casser, pour l'instant, vous êtes en train de le casser. Oh merde. Le coq, il a pas de montre. Donc, il sait pas qu'il y a un décalage horaire. Donc, il chante tout le temps. Il chante à la même heure à chaque fois. T'es d'accord, Gérard? Merci, Rigo. Hein. Gérard. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, mais t'avais laissé ton micro allumé. On entend tout quand il y a note sur l'IRC. Ah ouais, excusez-moi. Ouais. Je me disais aussi, il y avait un problème. Donc, point d'interrogation. Bon, t'as compris ou pas ce que je t'ai dit? Gérard, pour le coq. Ouais, mais je m'en fous, on continue le débat. Point d'interrogation. Oui, les fermiers peuvent en avoir des conséquences. Hein. À disposer, point d'interrogation. Moi, je regarde que ça. N'arrête pas. Point d'interrogation, parce que la fermière a une voix bouseuse. Hein. Bon, t'envoies un disque. Bah non, attends, c'est pas moi qui gère le standard. Point d'interrogation, il parle de vache et ça l'excite. Allez hop! Non, pas de 10, c'est pas possible. Non, bah. Non, Max! On continue au coq. Max! Non, Max! Maman! Max! Non, il est pas là. Ah, il est pas là, faut que tu continues. Non, bah, vous balancez un disque. Non, mais on était où? Non, allez! Non, non, non. Troisième, vous allez réfléchir, moi je fais une pause. J'ai pas répondu, moi, Cocker. Ouais, non, Cocker. Cocker, t'attends. Bah non, Cocker, il voulait. Qui commande? C'est moi. Cocker, vous attendez. Max, on n'a pas de disque, on n'a rien, donc pose non, la question. Tu te démerdes. Non, bah non. Bah chante alors. Non, non, tu te démerdes. Moi je continue pas avec vous deux. Allez hop, c'est basta. Bon, on va chercher Olivier Delapro. Allez. Olivier! Allez, Gérard. Bon, les auditeurs, vous êtes là? Oui, on est là, on est là. Ça vous plaît? Attends, ça vous plaisait le débat? Tout va bien? Ah bah oui. Non, non, pour l'instant, vous êtes là. Non, non, vous êtes en train de faire les comptes tous les deux. Mais non, c'est toi qui veux pas continuer, Gérard. Non, non, vous allez dégager. Et ça se passe bien, Gérard? Pourquoi? Non, non, vous allez dégager tous les deux. Continue le débat, Gérard. Il y a des gens qui s'en intéressent au moins. Ouais, nous, c'est clair. Donc, Puceau? Non, point d'interrogation. Oui, donc je te dis, les fermiers peuvent en avoir des conséquences, et comme le disaient les animaux, c'est vrai qu'aussi, ils peuvent avoir aussi des conséquences, hein. Telles des séquelles, soit des choses comme ça, hein, quel sens. Dans quel sens, Puceau, moustique, t'arrêtes, s'il te plaît. Ben non, mais j'ai pas compris, là. Non, mais... T'arrêtes de dire dans quel sens, parce qu'avec Fildar et Manu, c'est toujours et pourquoi et dans quel sens, ok. On a rien dit aujourd'hui. Ok. D'accord. Bon. Puceau. Allô. Oui, moi je trouve que t'as raison là-dessus et je te donne carte blanche, moi je te suis à 100%. T'as même pas compris la question. Bah si. Si le coq avait un décalage horaire par rapport à la poule, là je serais pas avec toi. Ouais, ok. Coquère. Ben moi je pense que c'est pas les fermiers mais plutôt les animaux qui subissent des conséquences parce que le coq ne chante plus à la même heure donc il a des troubles psychologiques. Merguez. Ouais ben moi je pense pareil quoi, je pense plutôt que c'est des animaux qui ont plus de conséquences parce que bon ce qu'on pense c'est un problème pour eux, ils ont pas le monde, alors un coup ils lèvent trop tôt, un coup trop tard, et c'est compliqué quoi, il y a que le fermier qui sait. Oui mais moi je leur dis pas alors comment ils font après. C'est plus chaud, moi je voulais dire, Gérard par exemple c'est des animaux parce que moi j'en connais un. Quand il prend son litère, maintenant il est un peu déboussolé quoi. Ah, ouais, alors Puceau, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te faire dépuceler au standard. Allez hop, terminé. Terminé pour Puceau. Terminé pour lui. Allez, on continue. Donc, je réponds quand même à la question, si ça dérange personne. Vas-y. On va envoyer un disque. Oh bah non, pas tout de suite. Ah si, Encore une question et après on l'envoie. Donc moi je mais peux répondre, ouais. Moi je peux vous dire une chose que quand je dis les fermiers oui ils supportent ils ont du mal à supporter le décalage d'heure parce que pour la récolte de tout ce qu'ils ont à faire ils n'y arriveront pas parce mais vas-y je coupe les auditeurs pour que tu puisses parler ouais, Gérard ouais. Bah oui. fais-moi une double voix je coupe les auditeurs. Donc moi je peux vous dire une chose que là je me suis aperçu là hier en allant se balader, c'est que dans certains coins le maïs pour l'instant ils n'arrivent pas à le récolter. Ouais. Donc, parce qu'ils se lèvent plus tôt le matin avec ce décalage horaire, le maïs ne comprend pas. Non, parce qu'avec le temps qu'ils ont, ils ne peuvent pas le récupérer. C'est pareil. Est-ce qu'on change d'heure quand on va en Allemagne, puisque tu es allé en Allemagne hier Gérard, est-ce que tu as dû changer d'heure ou pas? Non, c'est toujours la même heure française pour l'instant. Ah, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on change d'heure en Italie et on change pas d'heure en Allemagne. Non. Non, parce que le décalage horaire, en Italie, je sais pas s'il y a un décalage horaire. Ouais, il y a une heure en moins. Non, je pense pas. Si, je suis allé en Italie, je te jure, il y a une heure en moins. Non. Moi, je croyais que ça venait des fuseaux horaires, parce qu'en Italie, ils en ont, et en fait, en Allemagne, ils portent des pattes d'Ève. Donc... Ouais, c'est ça. Faites votre popote en antenne tous les deux. Troisième question et après on s'envoie à quatrième. Croyez-vous qu'on dépense moins de courant? On va demander un moustique. Ouais. Alors ça c'est une légende urbaine, en fait c'est complètement faux. Parce que tout le courant que tu économises le soir, tu le brûles le matin. Donc ça sert à rien du tout. Non, mais de manière que tu le dépenses le matin ou le soir, c'est pareil. Voilà, donc le problème est le même, ça sert à rien. Donc, en fin de compte, si tu veux, le décalage horaire, ça sert à rien. Bah oui, c'est ce que je dis. Parce que, par exemple, là, tu allumes ta lumière, il est 2h10. Mm-hmm. Hein, demain matin, tu vas rallumer ta lumière, ça dépend à quelle heure tu te lèves et ça dépend ce que tu fais comme boulot. Mm-hmm. Ouais, c'est très bien, ça. Bon, attends, derrière, tu te la fermes, d'accord? Pour l'instant, je réponds à Moustique. Mm-hmm. Okay. Alors toi tu la fermes. Ok. Donc selon ce qu'a fait comme boulot, c'est pareil, le matin t'allumes ta lumière pour te préparer. Ouais, bah, c'est sûr. Donc en fin de compte, t'économises pas du tout t'économises pas de courant et t'en dépenses autant. Voilà. Donc, en fin de compte, ça sert à rien. Voilà. Gérard. Oui. Gérard, sur IRC, il y a Coyote Bip qui me demande ce que tu penses du décalage horaire de l'espace. Bah, justement, c'est une question qu'on allait faire à la fin. Ouais. Parce que si les ovnis viennent chez nous, comment on fait pour être à la même horaire? Bon, tu sais qui parle? Tu donnes ton nom? Ouais, c'est Marguerite. Parce qu'imagine qu'ils n'ont pas les mêmes horaires que nous, ils viennent la nuit. Ça sera là pour les accueillir. Ils ont quelle heure? Oui, mais on sait pas, parce que nous, on n'arrête pas de décaler, alors c'est le bordel, quoi. Peut-être qu'on se met tous d'accord. Bon, on revient à la question. Point d'interrogation. Bah, tu sais, tu es obligé d'allumer la lumière, même si tu... Les personnes qui veulent faire des mots croisés ou quoi que ce soit, ils sont obligés d'allumer la lumière. Comment? Même ceux qui sont aveugles, ils sont obligés d'allumer. Tu fais des mots croisés, toi, peut-être? Bon, allez, allez hop. Que tu me viens. Je les virais. Non, tu me viens, tu gardes, tu me changes, parce que là, ça commence à devenir... Là, depuis que Max est parti, là, vous ne faites que des conneries. Tu veux qu'on change, Gérard? T'as fait pipi? Autant pour moi. Bon, tu m'envoies le disque. Attends, écoute, j'ai pas répondu. Ouais, vas-y, la question, Gérard. Attends, c'est quoi la question déjà? Attends, je vais pas m'amuser à faire que ça, hein. J'ai un trou, GG. Croyez-vous que l'on dépense moins de courant? Ah ouais, voilà, ouais. Ben, moi, déjà, je voulais te dire que je suis un homme des bois. Donc, déjà, j'habite dans les bois, comme tu l'as compris, et je me chauffe à la bûche et je m'éclaire à la chandelle. Donc, à la limite, les histoires de courant, je n'ai rien à carrer. D'accord. Voilà. Ok, ben c'est bien. Donc, je crois que toi aussi, t'es un peu un homme des bois, quand même. Ouais, non, ferme-la. Ça vaudra mieux. Faudra-t-il se coucher plus tôt qu'en été? Et on s'écoute. Donc ça, c'est la question à laquelle ils doivent réfléchir. D'accord, voilà. Tu relances les numéros, enfin tout ça. On donc 0870-5000 et toujours le 3615 Code Fun Radio, rubrique directe. Et on a qui sur Minitel, Quentin. À vous de Max et Gérard, me devez 60 000 balles. Je sais pas ce qu'il voudra dire, ben tant pis pour toi. Donc, sur IRC, qui c'est qu'on doit saluer On salue tout le monde. On salue Clifford, Nico 2, Serval, Toin Solo, Lenny, TSM, etc. Et numéro IRC, parce que je ne le connais pas en tête. C'est irc.funradio.fr. Voilà, vous pouvez toujours continuer à nous appeler. Donc, on est toujours là pour la suite des débats, 2h13, et on va s'écouter. Le décalage pubéré. Sans nous, avec... Ah, c'est super, on comprend tout ce que tu veux dire. Avec Pinard, d'accord. Et voilà, vous venez d'écouter les décalages pubères sont nus avec Dupinard. Et donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0870-5000, toujours 3615 Code Fun Radio et sur IRC Rigo. IRC.funradio.fr. Allez, on y va. Voilà. Donc, on récupère Moustique 99.6. Salut. Couscous. Salam alaikum, Gérard, j'appelle de Berlin, 93.9. 93.9, point d'interrogation sur 101.9. Salut mon amour. C'est à moi qui parle. Salut cochonne. Attends, toi, qui c'est qui vient de dire cochonne? C'est Pierrot. Non, je crois que c'est... C'est Merguez, elle est partie. Une petite slip, enfin, je vais le dire. Personne n'aurait 5 francs. Non, désolé. 5 francs. T'as Gérard à 5 francs. Alors. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Attends, on va changer d'heure. Là. On aura tout vu, hein. C'est bizarre. C'est bizarre la fréquence là. Boudin Noir, t'es de quel coin? Moi, je suis de Toulouse Nord. À Toulouse, et c'est bizarre, 117. Il y a deux fréquences à Toulouse. Il y a Toulouse Nord et Toulouse. Ouais, c'est ça. Cocker. Bon, Cocker, 93.9, je suis pas taquille et tu commences à te calmer, sinon tu vas dégager. D'accord. Et chéri. Bon, alors lui, tu... Fildar, je le calme. S'il te plaît, tout de suite. Ouais. Ok. Et t'éteins ton micro après. Quand tu parles. Petit non. Suisse, 91.8. Non, Petit Sucre. Non, Petit Sucre, non, je suis pas Petit Sucre de Amiens. De Amiens? Ouais, dans la poule. Bon, toi, ça va être pareil que tu vas aller voir au standard ce qui se passe, hein. Bon, ok, d'accord, j'arrive. Alors, commencez pas. D'accord. Donc, la question, c'est, faudra-t-il se coucher plus tôt qu'en été? Donc, on va demander à... Ben, tiens, un petit sucre. Ouais. Ben non, pourquoi se coucher plus tôt? C'est en hiver, il faut se coucher plus tôt, parce que l'été, t'as une heure de plus. Donc, le soleil dure plus longtemps. Eh ouais, mais maintenant, tu... Tu comprends? Non, mais attends, Ouais. Tu t'écrases quand je parle, s'il te plaît. Ok, ouais, ta gueule. Alors ta gueule, il t'emmerde, alors tu dégages. Il parlait à Petit Sucre, arrête un peu Gérard, tu suis un peu le débat un peu. Attends, tu permets, il y en a un qui me dit oh. Mais c'est pas toi qui dis ça. Tu vas t'occuper de ton standard, quoi. Gérard, c'est Manu, écoute-moi. On va reprendre le débat et c'est pas à toi qui disais ça. Ouais, c'est à moi, c'est à moi, c'est à Coquer. Allez, on y va. Alors Coquer sur Coquer. Non, attends, Petit Sucre, il a peut-être pas fini. Ouais, je te disais que donc l'été, on se couche une heure plus tard parce qu'on a du soleil une heure plus tard. Parce qu'il y en a une heure en moins. Donc le soleil se couche plus tard. L'hiver, il faut se coucher plus tôt. Tu sais pas d'où que ça vient, ça, toi? Ça s'appelle Coquer. C'est Coquer. Attends, je vais essayer. Ah oui, ça venait de... Ça venait de chez Couscous. T'intéresse pas ce que je dis? Si, mais je répondrai. Tu me poses une question. Tu permets? Ouais, ok. Merci, Rigaud. Oui, sur IRC, il y a Serval qui demande, alors, est-ce que c'est à cause du décalage horaire que les chauffeurs de Mercedes s'endorment au volant? Alors là, j'y réponds pas. C'est possible. Là, tu peux mettre, non. Okay. Tu vois, parce que c'est un... Mais ouais. Il t'entend, hein, tu peux lui dire. Hein, c'est, non, non, mais Serval, c'est tu comment? Lui dis Serval, c'est... non. Serval, je peux te dire ta question, de toute manière, je te répondrai pas dessus, parce que c'est à quoi tu veux en faire une question. Les bidons, c'est... Ok, alors, Coquer. Je n'ai pas répondu, j'ai souvent en discothèque. Hé, Coquer. Oui. Ah bah non, c'est le décalage horaire, alors je me suis trompé de débat. Bon bah ok, alors si tu t'es trompé de débat, bah... C'est le décalage horaire. Alors, hé, Coquer. Oui. Tu vas répondre ou pas à la question? Bah non, moi la différence d'âge... Bon, allez. Allez, pas lui, Coquer. Allez. Terminé pour toi. Boudin noir. Ouais, moi je pense, tu vois, que ce qui se passe, j'ai trop de bruit. Boudin noir. Ouais, donc je pense que ça dépend sous quelle latitude tu te trouves. Non, mais faudra-t-il... Attends, boudin noir. Boudin noir, s'il te plaît, boudin noir. Ouais. Boudin noir, je te répète la question. Faudra-t-il se coucher plus tôt qu'en été? Ça dépend, parce que regarde, je vais te citer un exemple. Vas-y. Regardez, je regardais Star Trek, il y avait le Captain Kirk, il y avait Spock. Non mais attends. Téléportation, et ben il y avait un décalage horaire. Non mais attends, je vois pas du tout le rapport. Mais si, réfléchis un petit peu, c'est de la philosophie, c'est une énigme. Ouais, mais ça. C'est comme le père. Non, attends, Boudin noir. Ouais. Boudin noir. Ouais. On fait un débat, on s'amuse pas. Mais ça dépend de la latitude. Ah pardon. Ça dépend de la latitude, c'est tout. Ouais, non mais même moi quand je suis à débat, j'aime pas que vous amusez à dire ouais dans les. C'était une métaphore. Ouais, bon, d'accord. Ok, d'accord. Je pense que t'es loin de comprendre le deuxième degré. J'ai du mal, le vocabulaire, j'ai du mal. Ouais, je pense que t'as du mal, hein. Ouais. Point d'interrogation. Bah oui, je pense qu'on sera obligé de se coucher un peu plus tôt que d'habitude. Hein. Dans quel sens? Bah dans quel sens, si tu travailles ou si tu vas à l'école, t'es obligé de te coucher plus tôt. Hein. Ah, va te coucher, c'est l'heure. Qui c'est qui vient de dire ça? Alors, entre Petit Sucre et Boudin Noir, vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Ah, c'est pas moi. Hein. Moi non, mais vous allez vous calmer parce que je sens que c'est moi qui vais vous calmer tout à l'heure. C'était Bob. Tout dépend si t'as envie de dormir ou pas. Hein. Non, mais attends. Hé, hey, Fildar. Oui. Tu as commencé par me les calmer. J'arrête parce pas. Que sinon, tu y arrives pas. Non, j'arrête pas. Ouais, t'arrêtes pas, mais je crois que tu vas pas arrêter de les calmer parce que sinon, il reste 4 questions à faire. Mm-hmm. Il est quelle heure? Il est 2h23. Oui, c'est bien. Dans 22 minutes, moi, j'arrête tout. Ah non, mais on change d'heure aujourd'hui, 13h23. Oui. Oui, Manu. Rigaud, pardon. Rigaud, sur IRC, il y a Galéan qui demande, est-ce que l'hiver décale l'horaire de l'été? Bah oui. Bah, de toute manière, en hiver, tu recules d'une heure, ta montre. Ouais. Donc là, si tu veux, il est 2h24. Ça fera 1h24. Non, 23. Non, tu recules. C'est pas grave, vas-y. Tu recules. En hiver, tu recules ta montre d'une heure. En été, tu l'avances d'une heure. Quand je recule, comment veux-tu? Que je t'encule, d'accord? Merci pour la blague, je la connais par cœur. Et Gérard, il paraît qu'avec le décalage horaire à New York, eh ben, quand il est midi, il y a beaucoup de gens qui sont en train de bouffer. C'est vrai ou pas? Ah ben, attends. Là, il est 2h25. Ouais. On dort, nous. Oui, non, mais je te parle non, à New York. À New York, s'il est midi, est-ce que tu penses que les gens, ils sont en train de manger? Non, mais attends. Quand il est midi à New York, ouais. Vous êtes en train de faire de la radio. Mm-hmm. Donc, là, à l'heure actuelle, si tu veux, il est 2h24. 24, ouais. Donc, nous, pour l'instant, On est en train de dormir. D'accord. Ouais. Ça se voit d'ailleurs. Hein, et quel rapport avec les gens qui mangent à New York? Mais non, mais pour eux, il est 15h du matin, c'est tout. Ouais, mais Gérard, mais pourquoi? Mais Gérard, quand les gens ils t'écoutent à New York, il est quelle heure là-bas? Est-ce qu'ils peuvent t'écouter au moins? Bah, de manière, heure, tu regardes, tu fais un décalage, ouais. Il est 2h25, tu fais moins 6h. Moins 6h. Ça fait 12h25. Attends, mais Gérard, mais tu fais un balayage aérien ou avant? Attends, c'est qui lui? C'est Couscous? Hein, Couscous? Oui, Gérard, mon cousin, ça va. Oh, attendez. Oh là. Alors, déjà, plus tard, oui. Tu veux calme. Boudin noir et sucre. Attends, j'ai rien fait. Tu vas me les calmer tous les deux. Le seul premier qui rote, je l'éclate. D'accord. C'est pas moi. C'est Couscous. C'est Couscous, mon cousin, tu vas bien. C'est toi que je vais t'éclater. Oh là là, c'est dégueulasse. Comment veux-tu que je rote avec le micro fermé? Voilà. Et je vais seulement... Comment ça se fait qu'il n'y a pas de mon bête-femme quand on débatte, toi? C'est bizarre. Si, il y a moustique et point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est pas écrit, elle rentre pas dans les critères. C'est pas être ça, point d'interrogation, c'est une boule d'éléphant. Alors, couscous. Mon cousin Gérard, tu vas bien? Bon, tu réponds à la question, s'il te plaît. Ok, alors moi, écoute, je suis comme toi, je vais au resto du cœur et je crois qu'en hiver, on mange plutôt à 3h d'après-midi, donc on peut se coucher plutôt, tu as raison. Les câbles. Bon, d'accord. Moustique. Oui. Moi, je me couche plus tard en été, ouais. Parce que c'est beau et puis je suis en vacances, donc je me couche plus tard. Ouais, ben voilà. Ouais, pourquoi? Parce que, en fin de compte... Une de fraise. Non, c'est ma carrière. Oh, arrête, Gérard. Mais toi, tu te calmes là-bas, OK? Parce que sinon, je t'éclate. Oula. Elle est chaude pour ton matricule, maintenant, pourquoi? Toi, tu vas pas continuer comme ça. Donc, je réponds à qui c'est qui m'a posé la question. Non, c'est Moustique. Ouais. Oui. Donc, moi, je vais dire une chose, que le mieux, c'est... Manu, fais gaffe. Oui. Je t'éclate. Ben, oui. Rigo. Je fais attention. C'est juste pour rire. J'ai non, non, mais vous arrêtez quand je réponds aux questions, parce que sinon, moi, je réponds pas. Je fais le débat sans répondre à aucune question. Vas-y, réponds. Donc, je réponds à Moustique. Donc, c'est vrai que tu peux te coucher plus tard l'été, parce que le soleil, de manière, la nuit vient plus tard. Ouais. T'es d'accord avec moi? Ouais. Bah, excuse-moi, je pense à un truc, parce que je me dis, par exemple, quand on dit le soleil vient de se lever, c'est encore une belle journée. La Miricorée. Il va bientôt s'amuser, la Miricorée. C'est, ouais. C'est considéré comme du décalage horaire ou pas, ça? Bon, ça, je peux pas te répondre là-dessus. Ah ouais, d'ailleurs, attends, Gérard, la Miricorée, il vient toujours à la même heure ou pas? C'est une question intéressante. Ah ouais, en fait. Ouais, en fait, comment il fait, lui, pour décalage? La Miricorée, il a une heure, pendant une heure, il se fait chier, en fait, en hiver. Bon, il se fait chier, si t'as envie de chier, tu as deuxième porte à droite. Bon, pour l'instant, je réponds à la question à Moustique, s'il vous plaît, merci. Après, de rien. Et Gérard, tu as raison, parce que la deuxième porte à droite, c'est les chiens de Chico. Bon, alors, Moustique, tu vas te calmer. Couscous, tu vas te calmer. Ok, mon cousin Gérard. Hein, d'accord. Tu te calmes, parce que cette histoire de chiottes de la co, je ne veux pas en entendre parler cette année. Tu vas te chauffer les pois chiches. Ok. C'est rare, c'est dans la chanson, il est 5h, Paris se réveille, en hiver, c'est 6h. Oui, si tu veux. Bon, je réponds à ta question quand même, parce que je ne voudrais pas qu'on s'éternise trop sur la même question. Moi. Alors donc, moi je peux te dire que c'est vrai qu'en été, tu peux te coucher vachement plus tard, parce que bon, bah, déjà, à 10h, il fait encore jour. Tout de même, tu fais la fête. Ouais, mais même, t'as pas besoin de faire la fête, tu peux te balader dans... Ah non, tu vas en soirée techno, tu vas ken et tout, c'est bon. Non, mais ça y est, je réponds, s'il vous plaît, merci. Vous arrêtez de me couper sans arrêt. Vas-y. Donc, je réponds à Moustique, donc c'est vrai que tu peux te coucher plus tard la nuit, en été. Parce que à 10h, il fait quand même encore jour. Par rapport à maintenant, c'est qu'à partir de 8h, la nuit est carrément tombée, là tu peux plus rien faire. Ouais, mais si chez toi tu fermes les volets, en été il fait quand même nuit. Ah non, mais même, de toute manière, en été que ça soit... dormir. Non, mais que ce soit été comme hiver, de toute manière, t'as toujours du jour, t'as pas besoin d'allumer ta lumière, même en ayant les fermés volets. Même pour dormir, en fait. Moi, je ferme que les volets de la chambre, c'est tout. Dans la salle, c'est allumé. Dans la cuisine, c'est allumé. Tu peux demander un point d'interrogation. Pas grillé déjà, point d'interrogation. Donc, excuse-moi, Gérard, deux secondes avant de continuer. On accueille Loudenay à la place de Coquer. Ouais, mais je te préviens. Oui. Me fais pas changer les noms. Non. Loudenay, il est doux. Loudenay, t'es doux. Marseille. Voilà. C'est fréquence 103.1. Celui qui rompt, merci. Donc les enfants souffrent-ils de... J'ai pas répondu, hein. Qui? C'est un interrogation. Oh, mais c'est pas grave, si on comprend. Oh, vous fermez-vous le... Ouais, vous la fermez, s'il vous plaît, derrière, merci. Tu peux me répéter juste la question. Alors, faudra-t-il se coucher plus tôt qu'en été? Oui, je pense qu'il faudra se coucher quand même plus tôt qu'en été. Et pourquoi? Parce qu'en été, tu vois, tu n'es pas obligé d'allumer la lumière déjà en été, comme hiver. Et je pense que tu peux te coucher plus tôt. Ouais, mais... Non, mais comme Max, il posait la question, ou même Manu ou Fildar, je sais plus qui c'est, ou Rigo qui a posé la question. Si par exemple tu fermes les volets de la salle à manger. Bah oui, là t'es obligé d'allumer. Ah bon, tu penses qu'il faut allumer la. Non, quand on voit ta gueule, vaut mieux éteindre. Qui c'est qui vient de dire ça? Bah si t'es pas content, tu me parles. Non, attends, point d'interrogation. Maintenant, je veux savoir qui c'est qui a dit quand tu vois ta gueule, machin chouette. Ah, des nouveaux, c'est vous les mecs. C'est Richard. Richard, dehors. Regarde déjà la tienne, ce sera déjà pas mal. Je viens d'arriver, arrêtez. Ah, Richard, tu viens. Ah, je me suis laissé aller, excusez-moi. Excusez-moi, je ne le fais plus, allez, j'arrête. Bah, c'est vrai que c'est tentant. Allez, Gérard, on y va. Donc, moi, je pense que t'as répondu quand même aux questions qu'on avait dit. Attends, il y a point d'interrogation, il y a une question IRC. Oui, ça la concerne en plus. C'est TSM qui me demande, enfin qui te demande, s'il y a un décalage horaire entre la fesse gauche et la fesse droite du point d'interrogation. Non, il y a trop. Pour pas la citer, hein, c'est sans dire. C'est décalage. Hein, c'est pas 110 pour l'instant. Mais non. Non. Ah pardon, excusez-moi. C'est Christine. C'est Bon, allez, on enchaîne. Alors, les enfants souffrent-ils de ce changement d'heure? Bah, c'est dégueulasse. Faut pas laisser les enfants souffrir, c'est Boudin, là. Ouais, attends, faut pas laisser les enfants souffrir, c'est quoi? Oh, vous donnez vos noms, s'il vous plaît. Boudin. Ouais, Boudin. Ouais, je dis, faut pas laisser les enfants souffrir. C'est dégueulasse ce que fait le gouvernement avec le décalage. Les enfants, ils souffrent, c'est pas bien. Non, mais attends, c'est pas le gouvernement qui a décidé de changer l'heure, Qui c'est le décalage horaire, alors, d'après toi? Qui c'est? Bon, ben, c'est Couscous. Moi, je crois aussi que les enfants, ils souffrent trop. Et moi, je suis d'accord avec toi, Gérard, que tu as beaucoup souffert lorsqu'on t'a mis dans la machine à laver. Je suis orage. Ils t'ont mis en essorage, toi. Ouais. Hein, Couscous? Non, mais c'est vrai. Couscous? Oui. Eh, ça se voit qu'il y a longtemps qu'on t'a pas eu parce que pour l'instant, t'es en train de déconner, hein. Il y a beaucoup d'agérard. Mais heureusement que t'es là pour mettre un peu du piment, mais. Oh, hey, Couscous! Couscous! Couscous! C'est pas du piment, c'est de la harissa. Ouais, mais couscous! Oui, mon cousin. Calme-moi ça. On reprend là gentiment, mais déconne pas trop. Hein. Ok. On va demander à. Donc pour toi, couscous, donc les enfants, ils souffrent. Quand j'étais bébé, je sais pas si j'en souffrais. Hein. De toute façon, c'est tous les 22 ans, donc elle peut pas s'en souvenir. Non, c'est pas tous les 22 ans, c'est tous les ans qu'on change d'heure. Hein. Ah bon? Ouais, mais avec le décalage, ça revient à 22 ans pour la Grèce. Non, attends, elle habite pas en Grèce, hein, alors arrête tes conneries, quoi. Arrête de parler de bite. Bon, Boudin Noir. Tu as répondu tout à l'heure, faut pas laisser les enfants souffrir, c'est pas bien. Tu veux traumatiser les futures générations. Alors, ok, petit sucre. Ouais, bah moi aussi, je comprends pas du tout pourquoi on parle des enfants. Enfin, je vois pas trop ce que t'as à faire là-dedans. Hein, faut les laisser tranquilles, les enfants. Non, attendez. Laissez. Parler des enfants, quoi, parce que tu sais, pour eux, c'est très dur de supporter ça. Et voilà, quoi. Tout le monde, là, c'est là qui nous écoute, et ben, on est en train de leur rappeler des mauvais souvenirs. Voilà, on est avec vous, les enfants, on est avec vous. Ouais. Moi, j'ai pas cool, quoi. On n'est pas mercredi, c'est pas le jour des enfants, alors. Je veux dire, comme disait la Bardot, il faut sauver les bébés enfants. Ah, non, mais toi, je trouve vraiment trop facile, quoi, de parler des enfants comme ça à la radio. Hein. Ouais, je dirais pas, Gérard. Ouais, pas, c'est moche. Attends. Attends, petit sucre. Petit sucre. Ouais, vas-y. Alors moi, je vais te répondre, petit sucre. Vas-y. C'est pas parce qu'on parle des enfants, c'est qu'il y a des nouveau-nés, ils souffrent quand même pour prendre leur biberon. Parce qu'avec le décalage horaire, on ne sait plus à quelle heure leur donner. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Donc on parle pas d'autres enfants. On parle de ceux qui viennent naître pour leur donner leur biberon. Ouais, bah tu sais, ceux qui viennent naître, c'est dur la vie avec tout ce qu'ils voient à la télé, tout l'affaire Clinton, décalage horaire. Bon, non, mais attends, je vois pas le rapport là-dessus, d'accord? Bah oui, ils voient ça dès qu'ils sont tout petits. Non, mais attends, ils comprennent rien quand ils sont. Tiens, tu les prends pour des cons. Ouais, bah alors. Et ils sont pas cons, ils comprennent. Ouais, mais ils sont moins cons que toi. Ouais. D'accord. Lundé. Bah moi je pense que oui, les jeunes enfants en souffrent parce que mettons un enfant qui mettons va faire sa crotte à 6 heures, lorsqu'il change d'heure, il a fait dans son lit. D'accord, je vois pas le rapport. Rigaud, tu avais une question IRC ? Oui, c'est Coyote Bip qui te demande si c'est pas trop dur à gérer le décalage horaire quand on sait pas compter. Mais ça, je vois pas le rapport. Il n'y a pas besoin de savoir compter pour le décalage horaire. Hein. Ok. Donc, ouais, ben, il nous reste encore 10 minutes. Donc, ben. Et moi, j'ai une question, Gérard. Oui ? Toi, t'as pas peur d'arriver une heure plus tôt à la loco avec le décalage horaire ? Alors moi je vais te dire une chose, que à la loco j'y vais plus, ouais. D'accord. Comme ça. Non, non mais attends, moi je vais répondre. Attendez s'il vous plaît, parce que vos histoires de conneries, les chiottes de la loco et tout ça, maintenant vous allez arrêter de me casser les couilles avec ça, parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Et celui qui s'amuse à envoyer des conneries chez moi, qu'arrête encore. Et maintenant je vais demander à Pildar et à Manu, qui c'est qui a donné le numéro de portable. Mais c'est pas nous, Gérard. C'est bizarre parce que hier on va pas revenir là-dessus, on va reprendre le débat. Mais moi je vais régler mon histoire maintenant. Mais non, débat. Non, mais juste avant la huitième, maintenant je veux savoir qui c'est qui a été balancé. C'est pas qui vous. C'est qui nous a mis un papier dans la boîte aux lettres en nous donnant un numéro. Bah, j'en sais rien. Mais c'est là, hein. C'est pas le thème du débat. Ouais. Non, mais je préfère en parler quand même entre deux. Non, mais t'en parleras après, c'est pas grave. Donc, moi, j'ai pas répondu à la question. Hein. Alors, vas-y. Donc, les bébés, oui, ils en souffrent, hein, parce que dès que tu leur donnes le biberon, déjà, qu'ils veulent pas le prendre, déjà, ils ont pas envie de le prendre, ils le prennent quand ils veulent. Mmh. Mais je pense qu'ils en souffrent beaucoup, hein, du décalage horaire, quand même. Hein. Ouais. D'accord. C'est bien. Ouais, non, parce qu'il y a Rigo qui voulait me dire quelque chose. Donc, la huitième. Le soleil est-il responsable du décalage horaire ? Oh ! Demande, Gérard. Ah bah, demande-leur, je fais rien. Moi. Non, mais attends, tu me mets. D'accord, ils sont là, les auditeurs. Hein. On est là, hein. Alors, Moustique. Oui. Interroge, vas-y. La bonne question, là, tu vois, j'y réfléchis. Ouais, bonne question. Je pense que ça vient plutôt de la Lune et avec les marées. C'est clair, ouais. C'est avec les marées. C'est couscous, c'est je. Moi, je suis d'accord avec toi, Gérard, parce que lorsque tu es resté trop longtemps au soleil, je crois que ton cerveau a fondu et puis il y a eu un décalage horaire. Non, mais il n'y a pas que le savon qui fond, il y a pas mal de trucs. Hein. Le cerveau, tu connais pas les maths. Hein. Mais toi, est-ce qu'en tant qu'ex-enfant, tu as souffert ? Oui. Tu as beaucoup souffert, je crois. Oui. Non, mais ça c'est un truc que j'ai souffert, que je dirais pas sur l'antenne, parce que ça regarde personne. Tu fais un décalage horaire, genre ? Non, mais attends, parce que si tu veux, on arrête là sur la huitième. Non, mais attends, Pildar. Pildar, moi, si tu veux, on arrête à la huitième, moi, je vais parler toute ma vie. Ah non. Franchement, t'en fous. Tu vois ? Non, on est dans un débat. Parce que sinon, moi, le prochain débat, on fait pourquoi l'enfance abandonnée. Ça, si tu veux, là... Non, on parlait du décalage horaire chez les enfants, c'est pour ça. Non, mais attends, mais dans ce cas-là, moi, je veux bien. Mais moi, la semaine prochaine, on fait un débat sur l'enfance abandonnée. Et là, tu vas voir qu'on va avoir personne au standard. Ah, oui, parce que ça, c'est un truc que je ne ferai pas. Ah oui, bah oui. Non, mais t'as raison. Hein? Parce que... Attends, qui c'est qui se marre comme un perdu, là ? C'est Jumbo le défunt. Ouais, ben, moi, je vais vous dire une chose. Alors, avant de dire des conneries, de se marrer, essayez de comprendre dans votre tête. Essayez de comprendre. T'as envie de nous casser le moral. Non, mais attends, c'est toi qui a inventé. Reviens sur le débat. Non, Gérard, c'est bon, les problèmes. Alors, Pildar, tu te calmes, ok ? D'accord. Maintenant, t'es un faux micro, je vais plus t'entendre. Ouais, t'es passé au repas, là, c'est bon, quoi. GG. Ouais. GG, c'est Boudin Noir. Ouais. Ouais, moi je voulais te dire, je comprends tout à fait. Je sais que t'as été décalé et je sais en fait t'es retardé, quoi, c'est ça ? Non, attends, je vois pas du tout ce que tu. Décalage, soit t'es en avance, soit c'est clair, t'es pas en avance, c'est clair. Donc, si t'es pas en avance, t'es retardé, quoi, je vois ça. Attends, Boudin Noir. Oui. Pour l'instant, je crois que t'es à côté de la plaque. Hein. Ah bah non, je suis en plein dedans là. Ouais, je pense que tu ferais mieux d'écouter ce qu'on dit. Et pourquoi on n'appellerait pas point d'interrogation Boudin ? Non, parce que point d'interrogation, c'est son nom. Petit sucre ? Ouais. Donc pour toi ? Ouais, bah pour moi, non, je pense pas que ce soit du soleil. En fait, ça, c'est une embrouille, quoi. En fait, on nous ment. Pour moi, c'est... Parce que regarde, avant, ça n'existait pas, toi, avant, Gérard, décalage horaire. Tu sais, il y a, par exemple, 500 ans de ça. On parlait pas de l'horaire qu'il y avait aux États-Unis. Tout le monde avait la même horaire. Et tout ça, c'est en fait, on parle des horaires... pour pas parler d'autre chose, tu comprends? Tu vois ce que je veux dire, tu comprends, toi? Ouais, mais attends, bah, c'est pas nous qui avons décidé de, du décalage horaire. Bien sûr, si, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Avant, on n'en parlait même pas. Et déjà, il n'y en avait pas. Attends, mais Gérard. Non, mais attends, petit sucre. C'est Gérard qui a décidé. Il n'y avait pas le monde, il n'y avait pas de décalage horaire, il n'y avait pas de monde. Attends, mais c'est nous qui l'avons inventé. Il y a tout ce que je comprends pas. Non, petit sucre. Oui. Moi, je vais te dire une chose, c'est pas nous. Des gens comme tout le monde, c'est pas nous qui avons décidé de changer les horaires. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Le gouvernement a décidé que maintenant on changerait d'heure tous les ans. Donc normalement on devrait finir, ça devrait être la dernière année. Et apparemment on est toujours sur le même point. Tout le temps on nous dit oui, c'est la dernière année, et en fin de compte on s'aperçoit que qu'on recommence et ça va repartir l'année prochaine au mois de mars, on va revenir en heure d'été. Donc au lieu d'avancer nos montres, au lieu de les reculer, on va les avancer. Au mois d'octobre ou au mois de septembre-octobre, on va encore reculer nos montres. On va plus savoir. Et comment ça se fait, Gérard, justement, qu'ils ont décidé que c'est la dernière année? Pourquoi? Mais non, mais de toute manière, c'est vis-à-vis du gouvernement avec toutes les villes européennes. La Belgique a décidé qu'on arrêtait. L'Allemagne a dit on continue. Donc ça a été voté à l'unanimité. Donc pour qu'on continue. Mais moi je trouve que c'est de la merde de changer. Donc en fait, Non, attendez. Je continue. Je réponds à Menu. Moi je dis pour moi que c'est de la merde de changer sans arrêt. Parce qu'en fin de compte, qui c'est qui est perturbé? C'est les petits bébés. C'est tout le monde. Parce que les biberons sont décalés et tout ça. Et eux, dans leur tête, ils peuvent pas le voir. Et donc, en fait, l'année prochaine, il sera la même heure à New York qu'ici en France. Mais non. Et je vois pas. S'il y a plus de décalage horaire, c'est la même heure partout. Mais non. Mais de toute manière, le décalage horaire, on l'aura tout le temps. Non, mais Gérard, écoute, moi je te dis la chose suivante. La semaine dernière, je t'entends parler à la radio le matin, et maintenant je t'entends parler le soir. Non, attendez. Stop. Là, moi, je vais vous répondre. C'est, de toute manière, c'est même pas à moi de vous répondre. Non, c'est pas un décalage horaire. C'est pas un décalage horaire, couscous. Le matin, c'est pas moi qui avais décidé, c'est mon chef. Maintenant, si le chef, il a décidé de reprendre la nuit, c'est lui qui décide. C'est personne d'autre. Non, mais là, c'est-à-dire qu'on est en heure d'hiver, c'est tout. Non. Non, mais attends, mais dans ce cas-là, je vois pas ce que tu vas dire, toi, parce que tout à l'heure, j'étais en colline, tu vas comprendre le décalage. Il a rien dit. On bosse en heure d'hiver. Allez, Gérard. Bon, pour revenir au débat sur IRC, Gérard, on me demande si le décalage horaire est un pur tube. Non. Mon ami, c'est juste un cube. Vite. Okay. Bon, laisse-moi parler, je veux savoir avec l'Europe, tout ça. Est-ce qu'on va avoir tous les mêmes horaires, les pays, d'après toi? Non, de toute manière, tout le monde... Si, ça fait des décalages, tous les mêmes horaires. Quand c'est midi à Paris, c'est midi à Londres, c'est... Mais non. T'as qu'à trouver un bloc avec les décalages horaires et tu verras que ça sera pas du tout la même heure. Mais allez. Stop, petit sucre. Je peux te poser une question? C'est qui? C'est point d'interrogation. Oui. Donc moi, je voulais te poser une question. Est-ce que tu crois qu'à l'époque de Jésus-Christ, le décalage horaire existait? Voilà, tu me poses une colle, j'en sais rien. Donc je te dis MERDE. Ah bah carrément. Merci. Voilà. Je pense qu'on va faire un. Ouais, ben je pense qu'on va faire. On fait un tarot. Il faut arrêter vers moins 5, donc on a encore 10 minutes. Donc t'as plus de questions là? Ben si, mais moi je voulais faire un petit break. Une petite dernière question. Ben non, c'est fini. On va faire une question, puis après on va arrêter, là. Hein. Ben voilà, comme je sais plus qui c'est qui avait posé de planète, on va y aller. Sur notre planète, existe-t-il un décalage horaire? Donc on va demander à Moustique. Ouais, alors il paraît que sur Uranus, c'est pas 24 heures, c'est 75, donc c'est tout le bordel parce que c'est 74 l'hiver. Enfin bon, ils n'arrivent pas à s'en sortir les pauvres. Mm-hmm. Et puis sur Mars, c'est à peu près comme sur Terre, puisque c'est la même grosseur. En fait, ça dépend de la grosseur de la planète. Ça dépend si elle tourne plus ou moins vite, et puis combien il y a de fuseaux sur la planète. D'accord. Ah, ok. Couscous. Moi, j'ai entendu dire que les gens qui ont pris, ils ont souffert dans les décalage horaire. C'est vrai que toi, tu n'as qu'une couche, toi, non? Et l'autre, s'il y connaît. Non, mais je suis en train de chercher qui c'est qui s'amuse à faire des conneries. Je crois que c'est point d'interrogation. Hein. Ouais, c'est... Point d'interrogation maintenant, toi. J'ai pas coupé la question. Vas-y, les gars, j'ai pas eu. Oh, attends, oh. Sur une autre planète, existe-t-il un décalage horaire? Ben, je comprends, donc, j'ai rien qui se passe sur notre planète, alors ailleurs. Bon, alors, petit sucre. Ouais, ben moi, je vais dire, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr, de toute façon, il faudrait se mettre d'accord que c'est décalage horaire. Parce que si un jour, des extraterrestres arrivent, que eux, en horaire qui n'est pas par rapport à nous, qui viennent en Europe, que nous, on est tous d'accord, et que finalement, soit après, ils aillent aux États-Unis, encore décalé, et finalement, après, ils atterrissent en Russie, on pourra jamais tous les voir en même temps, tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Donc, il faut trouver un système pour que ce soit un jour de partout pareil. Ok, ok. T'as compris ou pas? Ouais, si boudin noir. Ouais, bah tout à l'heure, il y avait, je crois que c'était Moustique qui parlait des planètes et de Uranus. Mmh. Bah moi, je pense que dans l'espace, si on tombe sur le trou noir de ton anus, et bah c'est clair, il y a un décalage. Et sur ta connerie. Ah, aussi, ouais, possible. Mais je pense que ta connerie, tu ferais mieux d'aller voir une nana, une bonne pipeuse, et ça... Ouais, ça d'avoir une elle est pas... T'inquiète pas pour moi. Ouais, ouais. Attends, tu... Boudin noir. Oui, tu restes calme avec point d'interrogation, d'accord? Oui, ok, excuse-moi, le facochère. Alors, boudin noir, tu dégages pour tout le temps. Boudin noir, dégage. Va te faire sauter, pas pour l'interrogation, allez, hop. Va te faire sauter, toi, abruti. Et hop, terminé pour lui. Lui, c'est même pas la peine que je lui demande... C'est mignon, Facochère. C'est beau, en plus, hein, Facochère. Loudner. Loudner. Bah, moi, personnellement, j'arrive pas à aller sur les autres planètes, donc je sais pas comment ça se passe. D'accord. Bon, ben... Bah, t'es pas répondu, hein. Ah ouais, ben, vas-y. Toi, le travelot, ferme ta gueule. Non, mais je suis pas un travelot. Hein. Alors, toi, petit sucre. Non, c'est pas petit sucre. C'est qui? Petit sucre. C'est pas moi. Parler. Ouais, alors, tu me dégages. Lounné. Attends, attends, je l'enlève. Je l'enlève, Lounné. Et j'ai rien vas-y, fait. C'est bon. Et après. Non, non, tu dégages, toi, là. Tu me le dégages, c'est de la vitrée. Parce que, c'est moi qui vais la faire. Donc, vas-y, point d'interrogation. Bah, je pense que déjà sur les autres planètes, je pense que tu vas avoir des planètes. Ouais, tu la fermes ta gueule, toi. Mais pour ça, il faudrait y aller dans les autres planètes pour savoir comment ça se passe. Ouais, t'as raison, tu devrais y aller, putain. Bah, t'as qu'à y aller, toi, si t'es pas content. Et reviens pas, surtout, hein. Ouais, bah, toi non plus, tu reviens pas. Hé, hey, connard. Hé, hey, le connard, attends, tu me retires moustique. Tu me mets moustique en air. Rien tu me mets couscous en air. Tu me mets point d'interrogation en air, ouais. Et tu me laisses petit sucre et Lounné. Et boudin. Boudin noir. Oui. Et connard. Qu'est-ce que j'ai fait? Et alors, connard, ça t'amuse d'insulter point d'interrogation? C'est pas moi. C'est pas toi, connard. C'est pas moi, non. Non. Non, je te dis que c'est pas moi. Non, c'est pas toi. Mais non, c'est pas moi. Tu te foudras pas de ma gueule? Ah, il y a une mouche. Ouais, il y a une mouche et ta connerie. Bah, le boudin noir, ça attire les mouches. Ouais, ben, le boudin noir, c'est de la merde. C'est clair. Bon, allez, elle va te coucher, ça voudra mieux. Donc, on va faire la conclusion du débat. Alors, celui qui s'amuse à rôter. Hein, Max? Oh, attends, devant mes yeux. Grillé. Devant mes yeux. Regarde. Une croix. Oh, c'était Manu. Attends, c'est l'autre abruti là-bas en face. C'était Manu. Merde, ça part tout seul, des fois. Une croix. Bon, allez, conclusion du débat. Moustique. Ouais. Ah non, c'est pas moi là. Ah là, c'est pas moi. Là, c'est moi. Conclusion, parce que. C'était bien comme débat, donc ça serait dommage que ça soit gâché. Voilà, c'était bien comme débat, et puis ce serait dommage que ça soit gâché par une mauvaise conclusion que j'aimerais te donner, mais que je te donnerai pas. Bah d'accord. Merci à toi, Moustique. Eh ben, Moustique, quand tu veux, tu nous envoies une photo de toi. Hein. Pas de problème, mec. Parce que là, on commence à en avoir ras-le-bol de. D'accord. Couscous. Alors, moi, je pense que le débat, on devrait faire ça. Oh, d'accord, lui. Ouais, ben, non, mais couscous, la conclusion sur ce débat. Ben, écoute, moi, je trouve que le débat a été super chiant, comme d'habitude. Hein. Ça, c'est une bonne conclusion. Voilà, ah, quoi. Ça y est, c'est tout? Oui, c'est tout, quoi. Ok, ben, je te remercie, couscous, d'avoir appelé. Et Gérard, oublie pas que t'es mon cousin, hein. Salut, mon cousin Gérard. Ok, je te remercie. Point d'interrogation. Bah, réglez vos montres alors, c'est tout. D'accord. Boudin noir. Ouais, bah écoute, je suis toujours là. Je suis désolé que tu sois énervé sur moi. Je l'aime bien, en fait. Non, mais moi, je te demande la conclusion du débat. Bah, ma conclusion, c'est Sandy, est-ce que tu veux m'épouser? Non, elle est déjà prise. Coq, petit sucre. Ouais, bah Alors écoute, moi j'ai cette bonne chance avec le décalage horaire que tu restes pas à la porte de la loco tous les vendredis. Mmh. Et voilà quoi. Puis j'étais très content de te réécouter, ça faisait un petit moment. Les débats, c'était bien sympa, quoi. T'es pas trop énervé. Pour une première, ça allait, t'as bien géré tout ça. Heureusement qu'il est pas trop énervé, si c'est que ça, que ça va être dans 15 jours. Et donc ça va, puis j'essaie de bien t'amuser avec point d'interrogation. Ben, point d'interrogation, pour l'instant, on s'entend super bien, donc y a pas de problème là-dessus. Ben, surtout, tu la gardes, tu ne la refiles pas. Ben non, mais je vais pas te la refiler. C'est comme une maladie, personne n'en veut, hein. Voilà, exactement. Donc, voilà. Ben, t'inquiète pas, à la loco, je suis pas prêt d'y retourner pour l'instant. Oh, tu viendras quand même, là, non? Non. Pourquoi? Non, parce que, vu ce que j'ai reçu encore... Pour mon anniversaire, au moins. Non, mais attends. On va demander à Nounet sa conclusion. Allez, vas-y. Ben, moi, je dis que par rapport à ce qui se passe en Amérique avec Bill Clinton, moi, je pense qu'il faudrait faire gaffe dans les locaux de la radio, parce que point d'interrogation pourrait être sucer le chef. Non, mais attends. Hey. Oui. Hey, Nounet. Je te demande le thème du débat. C'était la conclusion, allez, vas-y, c'était la conclusion. Je te demande la conclusion sur le décalage horaire. C'est fini, trop tard pour lui, allez, hop, suivant. Hop. Donc, il n'y a plus que moi à faire la conclusion. Donc, moi, je vais te répondre avant à ta question, pourquoi qu'on ne revient pas à la... Non, je m'en fous de ça, je voulais savoir si vous voulez venir, je m'en fous, c'est pas intéressant, c'est le courrier, on verra ça, on s'en fout. Donc, ta conclusion. Ma conclusion, c'est que c'est sûr que pour l'instant, on a fait le décalage horaire, mais je l'ai fait un peu tôt parce que normalement... Non, ta conclusion sur le décalage horaire, t'en penses quoi? Moi, personnellement, ça, je trouve que c'est de la merde. D'accord. Parce que tu changes, que tu recules d'une heure ou que tu avances d'une heure, de toute manière, tu boufferas autant de courant. Là, on est parti mardi avec Titi en Allemagne. Oui. Donc, Titi, c'est un camionneur qui l'a pris hier, qui l'a emmené en Allemagne, Gérard et Sandy. Et donc? Donc, on s'est pris on pensait avoir du soleil, en fin de compte, on s'est pris de la flotte. On est revenu. On va arriver au rapport avec le décalage horaire. Si. Non, mais de manière là-bas, c'est que ça n'a pas été évident. D'accord. Bon. Rien à voir avec le décalage horaire, ce qui n'est pas bien grave. Le décalage horaire, c'est pour moi, je trouve que. D'accord. Les débats de la semaine prochaine. Les débats de la semaine prochaine. Sur la politique. Non. Bah, pollution. Ah oui, la pollution, ouais. Pollution et cinéma. Oh là là. Ah bah si. Franchement, c'est moyen. Ah. Non, mais attends, c'est pas toi qui commande, d'accord? Sur IRC, on me dit que c'est naze, cinéma. Tu vois, tout le monde le dit, hein. C'est moi qui commande. Voilà, exactement. Donc, ça sera un débat sur le cinéma. Et un débat sur la pollution. Et pour les conseils, point d'interrogation, t'es toujours là? Non, c'est bon, c'est mardi, voilà. Donc c'est mais on peut donner quand même. On en parlera lundi, on en parlera demain ou lundi. Ah non, on va en parler maintenant. Donc, non, mais les conseils, c'est pas toi, c'est les gens, c'est en fonction de leur demande à eux. On verra ce qu'ils voudront avoir comme conseil, tu choisiras. On verra ça. Vu si ça fait comme mardi dernier. Ok, d'accord. Okay, on en discute. Je pense que. D'accord. Puisque tu parlais de la loco, je vous rappelle que demain soir à la loco, il y aura Funky Data pour ceux qui aiment la house. C'est un live, c'est-à-dire qu'ils sont sur scène avec le matériel, c'est des Grenoblois, et qu'il y aura Jean-Marie Kay, DJ Sonic, qu'on va retrouver d'ailleurs Sonic dans un instant pour la conclusion de cette émission de ce soir. Et sinon, demain soir, il y a également le Marina, le club discothèque du côté de Port Barcarès. Alors, si vous voulez venir au Port Barcarès, au Marina, vous appelez maintenant le standard de Fun Radio, 0800 70 5000. Si vous voulez venir à la loco également gratuitement vendredi soir, pareil, 0800 70 5000. Et si vous voulez empocher pour les 10 plus rapides des albums de Funky Data, pareil, 0800 70 5000. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 22h.